Je veux savoir, je veux savoir. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit. Car pour encore vouloir, car pour encore vouloir. Après autant de mépris, après autant de mépris. Terminé.